Chapitre 16e. De tous les habitants de Roche-Baron, le plus étonné fut monsieur le secrétaire de la mairie lorsque je pris la liberté de lui faire quelques questions sur les formalités qui devaient précéder mon mariage. Il releva sa vieille tête rougie par la bonne chère, le vin et les liqueurs, dont il faisait grande consommation, abaissa de l'index de la main droite sur le bout de son nez ses lunettes d'or, et me regardant d'un air malin, « Ah ah, vous vous mariez avec mademoiselle Laure. Ce n'est pas trop tôt, cher monsieur. » Je vis à ses premiers mots combien Laure avait eu raison. « Monsieur, répliquai-je d'un ton assez vif, voulez-vous avoir la bonté de me donner les renseignements que je vous demande ? Mademoiselle Laure, ma fiancée, est en même temps ma cousine et presque ma sœur. » Je rougissais de colère d'être obligé de m'expliquer devant ce vieux drôle. « C'est bien, monsieur, c'est bien, » dit-il à son tour. « Je ne vous demandais pas d'explication. Tout est bien qui finit bien, comme dit le proverbe. » Et il me donna tous les renseignements que j'étais venu chercher. Mais il gardait toujours sur les lèvres un sourire si impertinent que je retenais à grand-peine l'envie dont j'étais possédé de lui fendre la tête et de le jeter par la fenêtre. Je revins chez moi, rempli de fureur, bien moins contre cet imbécile que parce que je devinais dans son discours tout ce que la population de Roche-Baron allait dire et les sots propos qui allaient fondre sur Laure et sur moi. Encore si j'étais parvenu à le lui cacher. Elle se jeta dans mes bras dès mon arrivée. « Eh bien, dit-elle, as-tu franchi le fossé, mon cher Gaston Phoebus ? » Je fis un effort pour sourire. « J'en aurais franchi 3000 de cette profondeur pour t'atteindre, lui dis-je. » Au fond, j'étais navré d'indignation et de douleur, car je prévoyais que toute la ville, dès le lendemain, répéterait l'abominable réflexion du secrétaire de la mairie. « Je vois, dit Laure, que tu penses encore à la lettre de ce pauvre monsieur de Boréas, car tu me parles d'un air contraint. Voyons, c'est une affaire finie. Monsieur de Boréas est parti à midi. Parti ? » m'écriai-je comme si cette nouvelle avait dû me percer l'âme. Et en effet, j'en étais très peiné, mais je pensais surtout à dissimuler la véritable cause de mon trouble intérieur. « Oui, parti, y a-t-il là de quoi s'étonner ? Voici un billet de monsieur de Boréas qui t'est adressé et qui t'annonce son départ. Je l'ai ouvert, voyant de qui il était. Ai-je mal fait ? Cher Laure, tous mes secrets ne sont-ils pas les tiens ? Voyons ce billet. Adieu, mon ami, je pars. Soyez heureux l'un et l'autre, vous méritez de l'être. Mais je ne puis être témoin de votre bonheur. En souvenir de notre amitié qui a été bien courte, mais qui me sera toujours précieuse, recevez de moi ce sabre turc et cette paire de pistolets que vous avez pu admirer dans ma panoplie et que j'ai pris à bord d'une frégate anglaise en 1799 dans la mer des Indes. Je vous envoie en même temps toute ma collection de livres d'histoire et de philosophie que vous aimiez tant à consulter. Il ne saurait être en de meilleures mains. J'espère, mon cher, toujours cher Gaston Phoebus, que vous ne voudrez pas m'affliger par un refus. C'est la dernière marque d'amitié que je vous demande. Adieu. Charles de Boréas. Si jamais vous avez besoin d'un ami, pensez à moi. Je ne puis dire combien je fus touché de la générosité de cet aimable vieillard, et combien je m'accusais moi-même de la fâcheuse méprise qui nous séparait. Mais enfin l'amour, ceux qui ont aimé le savent, l'amour est si égoïste que je ne pensais bientôt plus qu'à mes propres inquiétudes et à celles que m'avait inspirées la sotte réflexion du secrétaire de la mairie de Roche-Baron.